Oh, Revient la gloire. Alléluia. Quelqu'un pousse des cris de joie dans le roi de rois, le roi de gloire, qui est comme toi, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. le Seigneur, alléluia. Il est digne de nos acclamations cet après-midi. Alléluia. Afrandi na lola na benga kaye Elombe mobali mopanga na etunga ona benga ye na dina benga kaye Alokota ngaye na kati na fulu afeto linga ina goma ya ye Ozambe monene abongina loyembo ona pesa ye na beti milolo Abongina lokumu To sans olie, on a benga ye na di na benga kaya. Igwe, on zambia Shadraka, me chaka feneko, on a kati ya moto na benga kayo. Igwe, on zambia Daniele, na libulu abakosi, on a benga ye na di na benga kayo. Igwe, oh Igwe, Igwe. Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe, Igwe Yosali Zambe oso sala. Aso sala. Hallelujah. Makoye bayo ndegeni de. Yosali Zambe oso sala. Makoye bayo ndegeni de. Aso Zambe oso sala. Makoye bayo ndegeni de. Yosali Zambe oso sala. Makoye bayo ndegeni de. Yosali Zambe oso sala. Makoye bayo ndegeni de, ozali zambe otombola ga. Makoye bayo ndegeni de, ozali zambe otombola ga. Oh Yahweh sala, Yahweh sala. Alors que tu as commencé à t'envoler les colos. Alors que tu as commencé. bon suivre la danse, on y va. Vino, vino. On a ta pour le Seigneur. On a ta pour le Seigneur, suivre la danse. Vino, vino. Oh, matin, matin, matin, t'auras pas tes animaux. Change. On est en train d'acclamer le Seigneur. Poussons des cris de joie, l'honneur de notre Dieu. Ce n'est pas une faveur, c'est son droit. C'est son droit. Il est capable. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Il est redoutable. Il est digne de louange. Il est digne de recevoir notre adoration. Il est grand, redoutable, Dieu. Il est comparable à toi, oh Dieu. inexemblable à toi, ô Dieu. Régnez en ce lieu pour t'élever. Régnez en ce lieu pour t'élever, Seigneur. Régnez en ce lieu pour t'élever. Régnez en ce lieu pour t'élever. Régnez en ce lieu pour te vénérer. Régnez en ce lieu pour t'adorer. Régnez en ce lieu pour t'adorer. Toi qui es capable de ramasser quelqu'un dans la poussière et de faire asseoir avec les grands. Osana makoki, yakolo kota nase, be otomboli likolo, olokota kanase, otomboli. Regardez pour la grandeur de Dieu. Regardez pour la grandeur de Dieu. Il est grand au-dessus de tout. Même les paroles ne peuvent pas contenir sa grandeur. Même les mots du dictionnaire ne peuvent pas. Il est au-delà de la grandeur. Il est au-delà de la grandeur. Il est au-delà de la grandeur. Il est plus qu'un. Il est plus que grand. Il est plus que grand. Il est au-delà de l'infini. Il est au-delà du plus infini. Il est au-delà des moins infinis. Il est au-delà, il est au-delà. Élève un Dieu grand cet après-midi. Élève un Dieu grand qui est capable de ramasser dans la poussière. Seigneur Jésus, il est capable de ramasser dans la poussière. Je me dors. Pendant que nous chantons, ouvre nos yeux, Jésus. Que les écailles tombent, Jésus. Que nous te voyons, mon Père. Que nous voyons notre destinée, ô Dieu. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure, Seigneur. Qui m'entoure. Que je cesse de croire à la terre des illusions. Et que j'affronte, Jésus. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand, Jésus. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le monde du dictionnaire. parler encore, c'est l'expression dans nos cœurs cet après-midi, amène-nous. Amène-nous, Jésus. Amène-nous, Jésus. Ouvre nos yeux, Jésus. Est-ce qu'on peut répéter cette partie? Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Alléluia. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse. Que je cesse de croire ta désillusion. J'affronte la nuit. Est-ce qu'on peut le dire encore une dernière fois? Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Ta désillusion que j'affronte la nuit. Tu es plus grand. Bon, d'accord, c'est les manteaux de Dieu qui t'approchent. le Dieu des Baals. Il est plus grand que le Dieu des Baals. Il est plus grand que le Dieu des Baals. Il est plus grand. C'est pour mon père côté, là zéro avant Jésus, là zéro après Jésus. Il a été la référence du temps, la référence du temps. Il ne vit dans les temps, mais il contrôle les temps. Il contrôle les temps, il contrôle les temps, il contrôle les temps, il contrôle. Commence à considérer, il y a des vocabulaires. Est-ce qu'il y a un vocabulaire qui peut décrire la grandeur de Dieu? Tu peux le dire de tes propres mots. Tu peux le dire de tes propres mots. Est-ce que la musique on peut se dire de tes propres mots? Adore Dieu de tes propres mots. Quel vocabulaire peut décrire ce Dieu? Ah, c'est pourquoi tu n'as pas même des paroles. Tu peux même parler en langue parce que les mots sont limités pour décrire notre Dieu. Mon aîné, les mots sont limités, Seigneur. Les mots sont limités. Ils sont limités. Osa, mon aîné. Mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné. Seigneur, tu es grand. Bwana wewe ni mkubwa. Infiniment grand. Uko mkubwa sana. On t'appelle Yahweh. Wanakuita Yahweh. Le Dieu suprême. Mungu wa juu. Tu es suprême, Seigneur. Wewe ni mkubwa, Bwana. Et nous reconnaissons, ô Dieu, na tunatambua Mungu, que nous sommes le produit de ta suprématie. Ya kwamba sisi ni matokeo ya ukubwa wako. Et dans ta suprématie, na ndani ya ukubwa wako, tu nous as bien créé. Ulituumba vizuri. Pour un but, kwa ajili ya lengo fulani, tu as fixé les objectifs. Tu les as fixés dans notre nom divin. Et tu nous as largués sur la terre pour jouer ce rôle. Cet après-midi, nous sommes venus encore pour célébrer ton nom et t'écouter. Et je prie, Seigneur, que tu prennes contrôle de ce moment. Et que la puissance de ton esprit nous environne. Que ta présence nous saisisse. Que chacun qui est venu en ces lieux soit touché par ta présence, par ton esprit. Que ta gloire remplisse ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de Dieu se dissipe, se retire, se soumette. Au nom de Jésus. Père, Baba, nous sommes de l'argile. Tu es le potier. Na wewe ni mfinyanzi. Aide-nous. Utusaidie. À devenir. Ili tuwe. Ce que tu désires. Ilo unayohitaji. Que nous soyons. Ili sisi tuwe. Les défis sont élevés. La moisson est grande. Les ténèbres nous entourent. Accorde à quelqu'un de naître. Pour venir mettre fin à ces ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amina. Tu peux accueillir ton voisin, tu lui dis bienvenue dans le tournant décisif. Unaweza kumpokea jirani yako na unamwambia karibu ndani ya kipindi hiki. Hallelujah. Amen. Depuis dimanche, nous sommes là. Tangu siku ya Mungu tuko hapa. Je bénis Dieu la manière dont il est en train de nous amener. Na nambariki Mungu kwa jinsi iko natubeba. Il est fidèle. Yeye ni mwaminifu. Et sa fidélité remplit la terre. Na uaminifu wake unaujaza ulimwengu. Et même ces lieux. Hata mali hii. Est environné de sa fidélité. Inazungukwa na uaminifu wake. Tu peux compter sur lui. Unaweza kuhesabu juu yake. Tu peux te confier à lui. Unaweza kumtumainia. Il n'a jamais déçu. Yeye haja acha watu wajute. La Bible dit sa fidélité remplit la terre. Biblia inasema kwamba uaminifu wake unajaza ulimwengu wote. Alléluia. Amina. Vous savez, même quand nous avons l'impression qu'il n'a pas été fidèle. Unajua wakati tunawaza ya kwamba hakuwa mwaminifu. Nous ne savons pas qu'il a amené la barre plus haut. Atujue ya kwamba ametipandisha kipimo. La barre de sa fidélité. Kipimo cha uaminifu wake. Il l'amène plus haut. Anaibeba tena juu. Et dans les jours qui suivent. Na ndani ya siku zinazokuja. Nous découvrons. Tunagundua. Qu'il avait raison. Ya kwamba alikuwa na sababu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Hier nous avons parlé de deux aspects. Jana tuliongelea vipengele viwili. Le méfait de ne pas découvrir son nom divin. Matokeo mabaya kutojua kugundua jina lako la kimungu. L'avantage qu'il y a de découvrir son nom divin. Na faida ambayo iko unapogundua jina lako la kimungu. Cet après-midi, mchana wa leo, nous voulons partager sur les facteurs qui accompagnent la rencontre avec notre nom nouveau. Tunatafuta kuongelea vitu ambavyo vinasindikiza. Les facteurs qui accompagnent. Vitu vinavyosindikiza kukutana na jina letu la kimungu. Vous savez, quand on rencontre son nom nouveau, unajua unapokuta jina lako mpya, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Kuna mambo mengi yanayofika. Et en nous-mêmes, na ndani yetu sisi wenyewe, et autour de nous, na wanaotuzunguka, et dans la destination de notre existence, na mahali ambapo tunaendea ndani ya kuwa kwetu. Mais le premier facteur qui arrive, lakini jambo la kwanza linalofika, c'est la perception de la lourde responsabilité. Ni mtazamo wa jukumu kubwa. La perception de la lourde responsabilité. Wa jukumu kubwa. Dieu, Mungu, ne peut pas s'asseoir pour fabriquer un homme. Hawezi keti ili amtengeneze mwanadamu. Juste pour rien. Kwa bure tu. Je reviens et j'insiste, mon frère. Narudilia na natilia mkazo ndugu yangu. À la grandeur. Tunaitwa kwa ukubwa. L'explication est la suivante. Mafasirio ni haya. Le Dieu qui nous crée. Mungu anayetuumba. Est si grand. Ni mkubwa sana. Qu'il ne peut que créer des choses qui lui ressemblent. Na anaweza tu kuumba mambo yanayomfanana. Si tu n'as pas été créé par Dieu, alors tu es appelé à la bassesse. Kama wewe ukumbwa na Mungu, sasa umeitwa kwa utoto. Ou à la misère. Ama kwa mateso. Mais si seulement si. Lakini kama. Tu as été créé par Dieu. Uliumbwa na Mungu. Alors prends conscience. Sasa kamata zamiri. Que tu es destiné à la grandeur. Ya kwamba umetarajiwa kwa ukubwa. Ce que tu es. Ile ambayo wewe aujourd'hui. Siku ya leo. N'est qu'une question de temps. Ni swali tu la wakati. Souvent lorsque je réfléchis et j'observe les choses auxquelles Dieu m'a appelé. Mara ninapofikiria na kutazama mambo ambayo Mungu alinitia. Je tremble. Nina tetemeka. Mais je vois une grande armée. Lakini naona jeshi kubwa. Puissante. Lenye nguvu. Pas des gens pas des gens de n'importe comment apana watu ambao hawana des gens des personnes des hommes et des femmes wanaume na wanawake ambao ni wakubwa. Aujourd'hui Léo, lorsque tu viens à l'arche unapokuja ndani ya kanisa hili et tu regardes ce qu'il y a, est-ce que nous sommes, est-ce que tu es. Na unangalia ile ambayo iko ndani, ile ambayo uko na ile ambayo sisi tuko. Tu vois le visible. Unaona ile ambayo haionekani. Mais il y a l'invisible qui est incroyable. Unaona inayoonekana lakini kuna isiyoonekana ambayo hauwezi kuamini. Je pouvais arrêter ici et rentrer à la maison. Ningepaswa malizia hapa na narudi nyumbani. Les jours où tu comprends que Dieu un jour s'est assis. Siku napoelewa ya kwamba Mungu aliketi siku moja. Il a dit aujourd'hui je crée Rosette. Nakasema leo na mumba Rosette. Hey. Haya. Dieu, Mungu, tu t'assois pour me créer. Unaketi ili uniumbe. Vous savez depuis les premiers jours de la création. Mnajua tangu siku ya kwanza ya des choses qui ont été faites. Mambo yote iliyofanywa ont été faits soit par des déclarations yalifanywa kupitia matamko. Aucun d'entre nous n'a été créé par une déclaration. Hakuna mmoja wetu ambaye aliumbiwa kupitia neno ama matamko. Dieu s'est arrêté. Mungu yeye mwenyewe alisema le sixième jour. Siku ya sita. Il a dit aujourd'hui akasema leo je vais pas faire de déclarations. Leo sitafanya matamko. Aujourd'hui leo je travaille. Nitatumika. Hey. Haya. Malheureusement, la Bible ne nous dit pas si ça a pris combien d'heures. Ole sasa Biblia ituambie kama ilikamata wakati ngapi. Et puis d'ailleurs, la Bible ne dit pas si les jours-là ressemblent à nos jours d'aujourd'hui, si c'était 12 heures ou c'était il fut un soir, il fut un matin, si c'est 24 heures. Biblia ituzungumzie kama ile siku ya ile siku ilikuwa kama siku zetu za leo. Et si nos secondes d'aujourd'hui ressemblaient aux secondes de ce moment-là. Na kama sekondi zetu zilikuwa zinafanana na sekondi za wakati ule. Mais j'imagine que Dieu a vraiment mis du temps. Lakini naona Mungu alichukua muda. Pour créer a stone. Ili amtengeneze stone. La preuve kitambulisho c'est que ni kwamba même dans le processus de la procréation hata ndani ya vipengele vya kuumba vous vous rendrez compte mtaelewa ya kwamba que ça se passe pas comme ça ya kwamba ipitikane hapo hapo. Regardez ces spermatozoïdes qui fait un voyage. Muone hizi mbegu za kiume ambazo zinafanya safari et ça part na zinaenda. Il semble que ça met environ deux jours. Inaonekana ni siku mbili pour arriver à l'objectif. Ili zifikie kwenye lengo. Et quand l'objectif est atteint, na shabaha inapofikiwa, Dieu s'assure, Mungu anahakikishwa, que c'est celui-là seul, ya kwamba ni ule mmoja, qui atteint l'objectif, ambaye amefikisha, amefika kwenye lengo. Et il s'assure, na anahakikisha, que tout le reste, ya kwamba wote wanaobaki, meurt, wanakufa. C'est fini. Imehisha. Mais dans la suite, lakini ndani ya wakati unaofuata, il va mettre 9 mois atapitisha miezi 9 pour confectionner cette chose. Ili atengeneze ile kitu. Si l'existence de l'homme kama kuwa kwa mwanadamu était rien du tout, ingekuwa ni kitu bure, Dieu allait le concevoir par un mécanisme d'immédiat. Mungu angeifanya hapo hapo na inatokea. Fécondation paf. Mtu anachukua mimba hapo hapo. Ah, fécondation. C'est ça. Chukua mimba. C'est-à-dire les deux cellules se rencontrent. Ni kusema vile viungo viwili vinakutana. Cellule. Viungo. Les deux cellules se rencontrent, paf. vile viungo viwili vinakutana hapo hapo. Et puis l'être humain pousse. Na kisa mtu mzima anaonekana. Na kisa inaotokea. Nous serions nés et l'existence de l'homme serait rien quoi. Tungezaliwa na kuwa kwa mwanadamu ungekuwa kama ni bure. Dieu s'assure Mungu anahakikishwa que les choses se passent ya kwamba mambo inapitikana minute après minute, seconde après dakika, seconde kisha seconde, et que ça monte correctement na ya kwamba inaendelea vizuri, ça grandit correctement, inakomaa vizuri, il n'y a pas d'anomalie, hakuna ubaya wote, il veille sur chaque élément, anafanya kila jambo, il vérifie si l'ADN a libéré les cheveux. Anachunguza kama ADN ilitoa nywele. Et si ses cheveux sont roux ou ses cheveux sont lisses. Na kama hizi nywele zinakuwa nyekundu ama zinakuwa za kitete. Il s'assure que les prévisions pour les saints, pour les femmes, anahakikisha ya kwamba matayarisho juu ya maziba wa mama est en train d'être mise en marche. Iko natembea vizuri. Il s'assure que la taille est en train d'être contrôlé. Il s'assure que le cerveau, tous les éléments sont mis en place. Il s'assure de chaque élément. Pendant 9 mois, et te voici, tu sors. Tu ne sais pas. Les psychologues disent. Généticien. Les généticiens disent que c'est l'étape de l'indifférenciation totale. Wanasema ni wakati ambao mtu hajijui vizuri. Indifférenciation totale. Haujijui kikamilifu. Quand tu es sorti du sein maternel, ulipotoka ndani ya tumbo la mama, tu es dans l'indifférenciation totale. Je ne sais pas si Jacob et Esaü. Jacob lui, son indifférenciation totale est finie à 8 mois ou à... Parce qu'il a eu quand même le temps d'attraper. Sijui kama wakati Yakobo na Esau walizaliwa. Il a attrapé le talon de Esau. Yakobo yeye alikuwa anaanza ona sijui mambo fulani fulani sababu alishikilia kisingino cha mkubwa yake. Les femmes sages avaient raison, ils ont mis une corde sur ça, ça huyu ndio anatoka kwanza. Na wanawake wanawake wa kuzalisha walikuwa na akili sababu waliweka kamba ili wajue ya kwamba huyu ndiye alizaliwa wa kwanza. Un geste prophétique. Ilikuwa tendo la kinabii. Indescriptible, personne ne comprenait ce qui s'est passé. Mtu alikuwa haelewi nini inayopitikana. Or c'était le père d'Israël. Ijapokuwa yeye ndiye aliyekuwa baba wa Israeli. Le chef de la nation d'Israël. Yeye ndiye aliyekuwa mkubwa wa taifa la Israeli. Qui était en train de gesticuler dans les seins maternels. Ambaye alikuwa akicheza cheza ndani ya tumbo la mama. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Ningependa nimwambie mtu magharibi ya leo. Tu es appelé à la grandeur. Umeitwa kwa ukubwa. Parce que le Dieu qui t'a créé. Sababu Mungu aliyekuumba. Ne s'est pas amusé à te créer. Hakujifurahisha tu kucheza cheza kwa kukuumba. C'est la raison pour laquelle en même temps Dieu kwa sababu comme il t'a créé avec sérieux. Jinsi alikuumba na uhakika mzuri. C'est que ni kwamba l'objectif de ta création shabaha ya uumbaji wako n'est pas vain. Haiko ya bure. Tu n'es pas venu sur la terre, je l'ai dit hier, juste pour allaiter. Juu unyonyeshe tu. Les sœurs, écoutez-moi. Vous n'êtes pas venus sur la terre juste pour allaiter. Oh. Vous avez tellement incliné vos yeux sur le mariage. Et puis c'est tout. Votre destination sur la terre ressemble à Dieu. Ouvrez les yeux. Mfungue macho. On a chanté ça tout à l'heure. Tumeimba hapa karibuni. Ouvrez mes yeux que je voie. C'est comme ça. Fungua macho yangu ili nione jeshi lako. Ne voyons pas seulement l'armée qui nous entoure. Tusione tu jeshi linalotuzunguka. Ouvre nos yeux, Seigneur. Utufungue macho que nous arrivions à voir. Ili tufikie tuone. L'idée que tu as sur nous. Wazo unayo juu yetu. Que quelqu'un arrive à voir mutu afikia one la destination de sa création. Mwelekeo wa umbaji wake. Pourquoi je suis là? Sababu gani niko hapa? Pour porter des mèches? Ili ni uweke mameshi kwenye kichwa changu. Pour porter une veste? Ili nifike suti. Est-ce pour rouler dans une voiture? Zaini tu nitembee ndani ya gari. Au point que quand tu as acheté une voiture, tu es arrivé. Na wakati unanunua gari unawazo umefika. Puis tu peux aller chez le passé et prier pour ça. Na unenda kwa mchungaji, mchungaji anakuombea. Tu sors, tu rentres, tu es en train de regarder les amis. Mimi nishafika. Uko naangalia marafiki unasema mimi nimefika. Moi je maintenant je roule moi. Mimi natembeza gari sasa. Njo mwisho yenyiko mkicho wako. C'est ça la fin de ta tête. Et parfois quand nous passons dans la rue en train de rouler, nous voyons ceux qui marchent à pied comme s'ils n'existaient pas. Na mara tunapotembeza gari barabarani tunaona wanaotembelea mbuka kama hawatembei. Au point que même lorsque un ami nous pépère, on fait semblant qu'on n'a rien vu quoi. Wakati rafiki anakusalimu ukiwa ndani ya gari. Je débrouille na ufike, mimi nishafika. Unamwambia fais tout pour que tu arrives parce que moi je suis déjà arrivé. Frère. Ndugu. La grandeur ukubwa, selon Dieu, kufuatana na Mungu, ressemble à Dieu. Inafanana Mungu. Quand vous lisez la Bible, unaposoma Biblia, vous constatez que tout ce que Dieu a créé, unagundua ya kwamba yote Mungu aliyoyumba, a de grandes significations. Ina mafasirio makubwa. Et puis que c'est pas des choses faciles. Hein? Na sio mambo ambayo ni mambo mepesi. Regardez l'univers d'abord. Muangalie kwanza ulimwengu. Regardez comment fonctionne la terre. On est assis là. Et tu peux même somnoler. Mais tu ne sens pas que la terre est en train de voyager. Autour du soleil. Tu ne sens pas que la terre est en train de tourner autour d'elle-même. Est-ce que vous avez un kizunguzungu? On devrait avoir de la vertige. Et que nos maisons qui sont debout comme ça, na nyumba zetu zinazosimama hivi, tu ne sais pas si, comme c'est une boule, haujui, à ce moment, haujui kama, nos têtes sont en bas, kama vichwa vyetu vimeshainama, par rapport au globe, kufuatana na hii dunia. Est-ce que à ce moment nos têtes ne sont pas en bas? Je kwa saa hizi vichwa vyetu si chini. Le globe est une boule. Si dunia inakuwa msunguko. Mais non. Sasa, cette boule-là, il a mzunguko, les uns sont au-dessus, les autres sont là-bas, les autres sont en dessous. Et l'eau est couverte, dans les océans ne tombent pas. Na bahari hazianguki. Quand la terre est comme ça, wakati, c'est incliné en bas, wakati dunia l'océan est en bas ici, si ça tombe pas. Hayanguki. Il ne peut qu'être un Dieu qui fabrique de telles choses. Mais c'est dans la même logique qu'il a créé l'homme. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire l'univers. Mais le sixième jour, Dieu s'arrête pour créer. Kalume. C'est comme ça que l'être humain, d'un côté, il est une bénédiction pour la terre, mais de l'autre côté, il est un ravageur de la terre. Plus les hommes augmentent sur la terre, plus la terre devient malheureuse. Tellement il y a des capacités de faire du bien, mais aussi des capacités de destruction mal utilisées. Et l'investissement divin. L'investissement divin dans l'homme est l'explication du potentiel de ta grandeur. Et quel est le problème? C'est que malheureusement, tout cet investissement-là, la plupart d'entre nous la faisons chômer. Wengi kati yetu hatuitumikishi. Pourquoi nous avons mis dans notre tête des petites idées de rien du tout. Des réflexions minables. Une vision de la vie bizarre. Des attentes, des perspectives de la vie de rien du tout. Et ça donne un seul résultat. La qualité ou le niveau de vie que nous avons. Ressemble à ça. Écoutez-moi, frères et sœurs. Même les nations ou les peuples qui ont mis Dieu de côté et qui sont restés juste des êtres humains normaux. Ils ont démontré la grandeur de l'être humain. Regardez ces pays qu'on appelle des pays non atteints, des pays qui ne veulent pas de Dieu, de Jésus. Et vous courez dedans pour aller prendre leurs productions, leurs inventions, leurs trucs. Je vais dire quoi, frère? L'homme prie naturellement. Enlevez Dieu. Unatosha Mungu. Vous le prenez naturellement. Unamkamata kikawaida. L'investissement divin en lui. Mawekezo ya kimungu ndani yake. Comme un être normal. Kama vile mwanadamu kawaida. Suffit pour l'amener à la grandeur. Inatosha ili mubebe kwa ukubwa. Maintenant, si vous reprenez Dieu. Sasa ujiulizo kichukua Mungu. Vous remettez Dieu dedans. Unarudisha Mungu ndani yake. Hey. Or, remettre Dieu dedans signifie récupérer le nom que Dieu dans la conception, cette journée, cette sixième jour, quand il était en train de le fabriquer, le nom qu'il a prévu pour cette chose, le nom là, vous prenez ça, vous remettez dedans. Ce nom contient tout le potentiel. Cette fois-ci, un potentiel spécifique. Spécifique pour celui-ci. Parce qu'il y en a aussi du spécifique pour celui-là. Du spécifique pour celui-là. Du spécifique pour celui-là. Et chacun de nous, frère, tu n'es pas là pour rien. Assieds-toi, frère. Que Dieu nous ouvre les yeux. Vous savez combien c'est grave que de finir ta vie sans être finalement rentré dans ton nom. C'est un gâchis. Je voudrais dire impardonnable. Arrête de t'excuser. Acha kuomba omba msamaha kila siku. T'excuser. Kujitetea kila siku. Oh non, tu vois. Sinona. Ma famille est la plus petite à Benjamin. Jamaa yangu ni ya kidogo ndani ya kabila la Benjamin. Et je suis le plus petit de ma famille. Na mimi ni mdogo ndani ya jamaa yangu. Tu vois. Sinona. Si j'étais né dans un bon pays. Ningezaliwa ndani ya nchi nzuri. J'aurais une bonne éducation. Ningepata mafundisho mazuri. Ici nos diplômes sont devenus bizarres. Si hapa vyeti vyetu vimegeuka bure. On ne nous croit même plus. Hawatuaminie tena hata kidogo. Quand nous sortons de notre pays. Tunapotoka ndani ya nchi yetu. Et qu'on voit notre passeport. Na wakiona passport yetu. On nous regarde deux fois. Wanatuangalia mara pili. Parce qu'on n'est pas sûr de nous. Sababu hawana tumaini na sisi. Mais qui vous a amené jusque là alors? Nani aliyewafikisha mpaka hapo sasa? Si j'étais au moins d'un autre pays, je pouvais aller à la grandeur. Je pouvais jouer un rôle sur la terre. Mais comme je suis seulement né dans ce pays, basse, Na Mungu na anajua. Même Dieu connaît ça. On s'excuse. Unaleta masababu sababu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais poser la question ce soir. Nitauliza swali mangaribia leo. Jusqu'à ce jour. Mpaka leo. Qui parmi nous? Nani kati yetu? Est déjà en contact. Ambaye amekutana. Avec son nom divin. Na jina lake la kimungu. Levez la main. Nyoshe mkono. Merci bien-aimé. Aksanti wapendwa. Est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que vous avez compris la question? Qui a déjà Nani découvert Amesha kugundua son nom divin? Jina lake la kimungu. Qui est déjà conscient de son nom divin? Nani ambaye amesha jua na nazamiri ya jina lake la kimungu? Levez-vous. Musimame. Je n'arrive pas bien vous voir. Si waone vizuri. Usisimame njoo kusikia haya sasa batasema mimi siyo. Haiko haiko hatuna nani msimame njoo niwaone tu nione kama. Il ne faut pas t'élever par la honte, il faut t'élever étant conscient. Alléluia. Amen. Vous voyez? Mnona. Nous avons un grand travail. Si tuna kazi kubwa. Peut-être qu'on devrait passer tous ces mois juste à prier pour demander ça. Sazimoje tungeweza maliza hii mwezi yote tukiomba ili tuweze kupata jina letu. Peut-être qu'on devait passer toutes les nuits ici que l'église entre en retraite. Sazimoje tungefanya usiku wote hapa. À trouver notre nom. Ili tutafutishe tupate jina yetu. Alléluia. Amina. Et vous qui avez déjà découvert cela. Na nyinyi ambao mmesha kuigundua. Pouvez-vous vous évaluer? Je, munaweza kujichunguza? Vous êtes à quel stade? Mumefikia kwa kiwango gani? De l'accomplissement ya kutimiza du contenu de votre nom. Ile nayokuwa ndani ya jina lenu. Tu es à quel stade? Umefikia kwa kiwango gani? Or, ichapokuwa l'essor de notre monde. Hii ambayo dunia yetu naishi. L'essor de notre ville. Hii ambayo mchi wetu naishi. L'essor de notre génération. Hii ambayo kizazi chetu kinaishi. Dépend. Inahusika. De la découverte de son nom. Ya kugundua jina lako. De tous ces bien-aimés qui sont assis. Ya kugundua jina zetu sisi sote tunaokaa. De tout être humain qui est sur la terre. Na kila mwanadamu aliye duniani. Le jour où chaque personne le comprend et le découvre. Si kwamba kila mwanadamu anaigundua. Alors, sasa ce jour-là, il est siku, nous verrons tutaona, et nous voyons tutaona, ce que c'est que l'idée de Dieu ile ambayo ni wazo la Mungu sur notre génération. Juu ya kizazi chetu. Mais lorsque nous sommes une goutte lakini wakati tunakuwa toni, qui connaissent et qui opèrent, tunakuwa watu kidogo ambao wanajua na wanaotenda. Le reste des hommes et des femmes qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas. Baki ya wanaume na wanawake wasioelewa na wasiojua. Constitue une grande armée. Wanakuwa jeshi kubwa. De l'ennemi. Ya adui. Pour éteindre les quelques lumignons qui se lèvent. Ili wasimise wale ile ambayo ni mwangaza ambao umesimama. Ou alors. Ama. Nous faisons partie tunakuwa de la grande armée des ténèbres. Ya ile jeshi kubwa la giza. Peut-être vous allez dire, mais pasteur, moi je donne ma dîme, moi je vais à l'église. Écoutez-moi, frère, sœur. Il y a des choses élémentaires que nous faisons. Et qui sont importantes. Elles sont bibliques. Mais il y a des choses principales lakini kuna mambo ya msingi que nous devrions découvrir et rentrer dedans. Ambao tungepaswa gundua na tuingie ndani. Quel est cet papa? Ni nani ule ambaye ni baba? Qui engendre un enfant? Ambaye anamzaa mtoto? Afin que cet enfant ile ule mtoto vive les choses secondaires de son existence. Aisi mambo yasiyokuwa na maana ndani ya maisha. Et que la chose principale de la vie de cet enfant na jambo la msingi ya maisha ule mtoto ne vienne jamais à surface. Yasimfikie hata siku moja. Vous voulez ça? Mnapenda hiyo? Tu as mis au monde un enfant. enfant. Et tu as du plaisir de le voir dans tout ce qui est moins important, dans tout ce qui est secondaire. Or, je vous ai dit hier, le diable travaille d'arrache-pied, sachant qu'il ne sait pas vous sortir du salut. Il ne sait pas vous sortir du salut. Mais il est au moins capable de vous aider à passer à côté de l'objectif et de gaspiller votre séjour sur la terre par tout ce qui est secondaire et que vous naviguez sur la terre. Le chemin c'est celui-là, mais on a tembea katuku. Mais toi tu passes toujours à côté. Dieu il est. On a tembea huku kona magumu ya kutembea. Le chemin est bien tracé, marche sur le bon chemin. Oh non, mimi napenda ka nitembee huku kona tembea. Et quand tu veux sauter, tu sautes le chemin. Tu vas monter sur les chaises et tu unapita kwenye viti. Unakufa nini? Dieu njoi. Le chemin est là. Or le chemin c'est quoi? C'est ce qui est important pour ta vie. J'ai dit à quelqu'un, même les soirs des réseaux sociaux ici, certaines choses paraissent innocentes. Regardez, j'ouvre mon WhatsApp. Je vois quelqu'un pour la première fois, il a vu une vidéo. Et puis il a vu quelque chose. Il ne s'est jamais présenté. Je ne sais pas si c'est qui. Et chaque jour, matin, soir, il a vu des choses. Tu envoies ça à qui? C'est impoli. Tu veux que je lise tes choses? Toi qui? Et que je mette mon temps à lire tes choses. Et les gens qui ne sont pas attentifs, ils passent leur temps à aller ouvrir. Entre temps, les gens des réseaux, leur argent entre. Celui qui envoie la vidéo dépense. Celui qui envoie cette vidéo, il dépense quelques sous. Et si moi j'ose ouvrir la vidéo dans mon téléphone, je dépense. Et tu fais dépenser de l'argent aux gens. Tu provoques des dépenses chez les gens. Tu n'es même pas présenté, ça ne passe qui? C'est quel phénomène? Il y a des phénomènes sociaux aujourd'hui qui ne sont rien d'autre que la grande guerre du diable de nous maintenir dans ce qui est secondaire. Et tu peux passer comme ça une heure. Et quand tu veux prier, parler avec le Créateur. En fait, avec ton Créateur. Seigneur Jésus. Tout ce que j'ai oublié, tout ce que j'ai dit, toi tu connais. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Tu commences à ronfler. Na unaanza kusinzia, unangoroma. Tu es maintenu dans le filet du secondaire. Des choses secondaires. Des choses importantes de ton existence. Na mambo ya maana ya kuwa kwako. Tu n'en veux pas. Hauvitaki. Que Dieu te délivre des choses secondaires. Mungu akufungue na mambo ile sio kuwa na maana. Vous voyez, il y a des gens qui sont préoccupés. Mnaona kuna watu ambao wanashughulika. Même pour des choses. Je laisse ça. Hata kwa mambo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Je disais, je voulais parler ce soir. Nilisema ya kwamba ninatafuta kuongelea mangaribi ya leo. Qui accompagne juu ya mambo inayosindikiza la rencontre avec notre nom divin. Kukutana na jina letu la kimungu. Et nous sommes en train de parler la première chose. Na tuko tunazungumzia jambo la kwanza. La perception de la lourde responsabilité. Mtazamo ama kugundua jukumu kubwa. Cette perception ile mtazamo se manifeste par la conscience de notre incapacité. Inaonekana kupitia dhamiri ya kutoweza kwetu. Nous prenons conscience que c'est tellement lourd, c'est tellement élevé que nous ne saurons pas. Tunaelewa ya kwamba ni vikubwa sana na sisi wenyewe hatutaweza. Lorsque vous regardez le cas de Saül, mnapoona mfano wa Saulo mfalme, fils de Kis, mwana wa Kisi, dans 1 Samuel chapitre 9 verset 17 à 21. Ndani ya Samueli wa kwanza sura 9 17 hadi 21. Samuel est en train de chercher les ânes de son père. Saül. Saulo anatafuta wapunda wa babae. Et ils arrivent chez le sacrificateur Samuel. Na wanafika kwa kuhani Samueli. Et Samuel l'accueille. Na Samuel anampokea. Or Dieu lui a dit hier. Ijapokuwa Mungu alimwambia jana. Demain je vais t'envoyer quelqu'un. Ya kwamba kesho nitakutumia mtu. Qui sera roi. Ambaye atakuwa mfalme. En réponse à la demande de la nation. Kufuatana na ombi la taifa. Mais ce jeune homme ne sait pas. Lakini huyu kijana hajui. Il cherche les ânes. Anatafuta wanapunda. Mais il est la réponse de Dieu pour la nation. Lakini yeye ni jibu la Mungu juu ya taifa. Je rappelle mes frères. Nakumbusha ndugu yangu. Beaucoup d'entre nous ici sont assis là. Wengi wetu wanakaa hapa. Nous sommes en train de chercher la vie. Tuko tunatafuta maisha. Mais certains d'entre nous lakini wengi kati yetu la réponse de Dieu pour la nation congolaise. Ni jibu ya Mungu juu ya taifa ya Kongo. Tu as besoin de rencontrer Samuel. Unahitaji umkute Samuel. Pour qu'il te dise. Na kuambie. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur au verset 19b. Nitakwambia yote ambayo itapitikana moyoni mwako. Dieu dit à Samuel. Mungu anamwambia Samueli. Voici l'homme dont je t'ai parlé. Tazama mtu ambaye nilikwambia. Verset 17. Kwa shaili la 17. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Ni yeye ambaye atatawala juu ya taifa langu. Vous imaginez la responsabilité? Je mnaona hii jukumu? C'est lui qui régnera sur mon peuple. Ni yeye ambaye atakayetawala juu ya taifa langu. Nani anayezungumza? Le Dieu vivant. Mungu mzima. Et Samuel dit OK. Na Samuel anasema ndio. Et le petit est en train de chercher quelqu'un pour lui dire où sont ses ânes. Na ukijana naye iko natafuta mtu wa kumwambia punda zake ziko wapi. Vous savez frère, notre nom divin est parfois perceptible. Mnajua jina letu la kimungu dans notre subconscient. Linaonekana ndani ya akili yetu watu wengi dans leur vie naturelle ndani ya maisha yao ya kawaida réalise de temps en temps que c'est comme si je dois faire ceci dans la vie. Wanaona ya kwamba inawezekana naweza kufanya hii ndani ya maisha. Mais en même temps ils se disent hapana. Lakini kwa muda ule ule wanakataa tena. Non, moi là. Mimi hapa. Ne ya kitubindo. Nilizaliwa Kitubindo. Moi. Mimi hapa. Non. Hapana. Et il continue la vie. Na wanaendelea ndani ya maisha. 5 ans après. Kisa miaka 5. Il sent cette doux murmure. Unasikia maneno maneno. C'est comme injo ni pasha faire. Na sauti namwambia c'est ça ce que je devrais faire. Me souviens quand je grandissais. Nakumbuka nilipokuwa nikikomaa. Et quand j'ai fini les humanités, na nilipomaliza shule la sekondari, fallait aller à l'université. Ningepaswa enda kwenye chuo kikuu. Mes parents m'ont dit, na wazazi wakaniambia, toi il faut que tu ailles faire la théologie. Wewe inaomba ufanye uende kufanya teolojia. J'ai dit, je ne veux même pas entendre ce genre de choses. Combien sitaki hata nisikie mambo kama na yale. Qu'est-ce que je voulais entendre? Nilipenda nisikie nini? Je veux être un grand ingénieur. Napenda nikuwe engineer mkubwa. Et vendeur. Nikuwe mtu ambaye nitaunda mambo. Napenda niunde mambo. Je vais aller faire la polytechnique à Kinshasa. Nitenda kufanya polytechnique Kinshasa. J'ai passé 2 ans à chercher l'inscription à polytechnique. Na nikafanya miaka miwili nikitafuta ili waniandike huko kwenye polytechnique Kinshasa. Moi jamais inscrit. Na hawakuniandika hata siku moja. J'habitais chez quelqu'un qui a terminé à polytechnique. Nilikuwa nikisi kwenye kunyumba ya mtu ambaye alimaliza ndani ya polytechnique. Je naviguais dans les livres. Na nilikuwa nikisoma vitabu vyake. Et quand Dieu a commencé à parler, na Mungu alipoanza kuzungumza, il faut que je le serve. Naomba j'ai dit Seigneur, kasema Bwana, sala, ile pale, hapana. Pourquoi? Sababu gani? D'abord, ya kwanza, la vie des pasteurs, maisha wachungaji, du moins à ce temps-là, kwa wakati ule, c'est l'une des vies les plus minables. Ni maisha ya watu wenye kuteseka. Parce que la communauté, on était à ce temps-là, on pouvait imiter les pasteurs et vous voyez la femme prendre les kinos, les enfants prennent les kourourous, les. Sababu kwa wakati ule wangepaswa kumtuma mchungaji na unaona wakichukua mambo ambayo hayana maana hata kino. C'est-à-dire les enfants transportent les lapins, masungura, les cochons d'Inde, ile ma kururu. Et puis on va dans une autre église. Kisa wanaenda ndani ya kanisa hili. On monte les montagnes, on descend, on revient. Wanashuka milima, mabonde, wanapanda. Je maisha bu pasteur. C'est ça la vie d'un pasteur? Non. Hapana. Et le jour je suis parti voir mon pasteur. Na siku nilienda muona mchungaji wangu. Je lui dis pasteur. Nikamwambia mchungaji. Dieu m'a mis à cœur. Mungu ameweka moyoni mwangu. De faire les millions. Nifanye pour l'œuvre de Dieu. Nikuwe milionari sababu juu niweze kusupporti kazi yangu. On va implanter des églises dans toutes les provinces. Tutashimika makanisa ndani ya jimbo zote. Vous savez, le nom de Dieu qui est sur quelqu'un. Mnajua jina la Mungu linaposhikilia juu. Le trahit parfois. Mara moja linamsaliti. Je ne savais pas que j'étais en train de me trahir. Sikujua ya kwamba nilikuwa nikijisaliti. Et le pasteur m'a regardé, m'a écouté jusqu'à la fin. Mchungaji akanisikiliza mpaka mwisho. Et puis me dit mon frère Kasereka. Kisha kaniambia ndugu yangu Kasereka. C'est une bonne chose. Ni jambo nzuri sana. Mais si Dieu te dit d'y aller toi-même, il faut pas refuser. Lakini Mungu akikwambia uende wewe mwenyewe usikatae. Donc le vieux, il a déjà lu dans mon esprit. Nikusema huyu baba ameshasoma ndani yake. Il a lu mon nom là dedans. Akaona jina langu mo ndani. Il y a un nom pour toi aussi. Kuna jina juu yako pia. Il est possible que tu ne t'es pas levé tout à l'heure. Na inawezekana ukusimama sasa. Mais il est possible que tu connaisses ce nom-là. Lakini inawezekana unajua jina hilo. Tu l'as même déjà perçu quelquefois. Na umesha kuiona mara nyingi. Le Saint-Esprit t'en a déjà parlé, parle un doux murmure léger. Roho Mtakatifu amesha kukuzungumzia. Je vous ai dit avant-hier madogo. Que le Dieu nous visite de différentes manières. Niliwaambia jana ya kwamba Mungu anatutembelea kwa namna. Vous venez de ça. Il nous visite par les songes. Il nous visite par un ange. Il nous visite par la parole de l'Éternel. Il nous visite par les prophètes. Il nous visite. Je vous ai parlé de ces choses. Il est possible que Dieu t'a déjà visité. Mais comme tu attends l'ange de l'Éternel, le même ange qui était venu voir Marie. Et tu attends qu'il te présente, il se présente en disant je suis l'ange de l'Éternel. Je viens d'arriver. Alors, comme tu n'as pas encore fait cette expérience, et puis l'ange fait comme ça les ailes. Je suis venu te dire quel est ton nom. Tu attends cette expérience là. Oh, il t'a déjà parlé, visité depuis longtemps. Tu devrais t'arrêter et essayer de revoir, de tourner le rouleau dans ton homme intérieur. Ungepaswa simama na uanze kuangalia ndani ya mtu wako ndani. Tu vas retrouver ça. Na utaigundua. En fait, kwa kweli, pourquoi tu t'es pas arrêté? Sababu gani haukusimama? Parce que sababu la même réaction dont nous partageons ici. Hii jibu ambao tunaongelea hapa est venue à toi. Imekuja ndani yako. Parfois ça que tu le saches. Mara hauijui. que c'est une lourde responsabilité. Conséquence, matokeo, je ne peux pas. Mimi siwezi. Et on a présenté des excuses. Na umeleta masababu sababu. Et comme le diable ne supporte pas que tu rentres dans ce nom-là, il est venu amplifier tes excuses. Jusqu'à ce que tu as même carrément perdu de vue. Tu as carrément oublié ce que Dieu veut faire dans ta vie. Les excuses, masababu, sababu, je veux dire la conscience et de la gravité de l'appel, nitasema ya kwamba zamiri ya uzito wa wito est normal, ni kawaida, à un être humain. Kwa mwanadamu. Pourquoi c'est normal? Sababu gani ni kawaida? Parce que nous nous posons la question. Sababu tunajiuliza swali. Comment le Dieu qui me parle comprend ce qu'il me dit? Namna gani Mungu anaye niita anaelewa ile ambayo ananiambia? Comment Dieu comprend le nom qu'il me donne? Namna gani Mungu anaelewa jina ambayo ananipatia? Nous nous posons une deuxième question. Na tunajiuliza swali la pili. Est-ce que je comprends et je réalise ce qu'il est en train de me dire? Je naelewa vizuri na naona ile ambayo yuko ananiambia? Et la troisième question. Na swali la tatu. Quels sont les inconnus? Ni nini ambayo haijulikani? Dans ce que Dieu est en train de me dire. Ndani ile ambayo Mungu yuko ananiambia? Pourquoi beaucoup d'entre nous ici, que sababu, Dieu a appelé au ministère, ne sont pas venus? Sababu gani wengi ambao Mungu aliwaita ndani ya huduma wa kukuta? Les inconnus dans le ministère. Wanaunda ile ambayo haijulikani ndani ya huduma. Or Dieu ne nous appelle pas seulement pour le ministère. Itapokuwa Mungu atuite tu juu ya huduma. Il nous appelle dans différents domaines de l'existence. Anatuita ndani ya uwanja nyingi ndani ya maisha. Parce que la société ne vit pas seulement du ministère. Sababu jamii haisi tu ndani ya huduma. Écoutez. Sikiliza. Tel qu'on est assis ici. Jinsi tunakaa hivi. Si nous devenons tous pasteurs. Kama sisi sote tunageuka wachungaji. Qui va paître qui? Nani ambaye atachunga nani? Si on devient tous des pasteurs là. Kama sisi sote tunageuka wachungaji. Cette société va ressembler à quoi? Ije mitafanana na nini? Personne ne va au boulot. Hakuna atakayeenda kazini. Personne amène les offrandes. Hakuna atakayeleta sadaka. Nous tous on est là pour prêcher. Sote tuko hapa kwa kuhubiri. Moi je pas je prêche, au bien vient et prêche. Mimi nahubiri. Et tout le monde en fait on est là pour prêcher et le soir tout le monde a faim. Na mangaribi kila mtu ana faim. Après 5 jours nous mourons tous. Na kisha siku tano sote tunakufa. Qu'est-ce qu'on va manger? Sasa tutakula nini? Et qui va faire, qui va jouer la sécurité, nanani qui va gouverner, qui va traiter ceux qui sont malades. Nani atakaye tawala, la nani société jamii est multisectorielle. Inakuwa na uwanja nyingi. Et le Dieu créateur, na Mungu muumbaji, le moment où il s'assoit wakati anapoketi, pour te créer ili akuumbe, et t'envoyer sur la terre, na kutume duniani, il détermine les secteurs dans lesquels il t'envoie. Anaweka uwanja ambao utatumikia ndani ambao amekutumia ndani. De telle sorte que kwanjisi, la société est complète jamii inakuwa dans imeja, tous ses aspects ndani ya ile viwango vyote, et tout le monde joue un rôle, na kila mtu anatenda kazi yake. Tout le monde fait quelque chose kila mtu anafanya jambo qui vient compléter ce que l'autre fait. Ambayo inakuja kuongeza juu ya ile ambayo mwingine alifanya. Et chacun de ce rôle, na kila mmoja wa kazi hizi, on leur pesa d'or devant l'Éternel. Zinakuwa na kipimo cha dhahabu mbele ya Bwana. Tourne-toi au voisin, demande-lui, tu es dans quel secteur? Uliza jirani, umuulize uko ndani ya kazi gani wewe? Il y a des gens que Dieu a appelé dans un certain secteur. Kuna watu ambao Mungu alimuita ndani ya kiwanja fulani. Mais ils ont écouté la parole, ils étaient touchés. Na siku moja wakasikia neno na wakaguswa. Ils ont l'impression que ibi njobi ya kufanya ibi. Na wakasema vraiment il faut que je sois un prédicateur. Il faut C'était vraiment béni. C'est pas ton secteur. Ici, au Wanjawako. Si celui qui est dans ce secteur fait bien son travail, et que toi dans ton secteur tu fais bien ton travail, alors l'église est forte. Bâtir fort pour. Bâtir des médecins forts. Bâtir des diplomates forts. Bâtir des ministres forts. Bâtir des chefs d'État forts. Bâtir des pasteurs forts. Bâtir des hommes d'affaires forts. Mais il faut que chaque individu rencontre son nom dans ce secteur. Quel est ton nom dans ce secteur? Parce que dans ton secteur, Dieu va te donner un terrain spécifique sur lequel tu dois dépenser ton existence. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, dans le but de Dieu, chaque individu qu'il envoie sur la terre, il ne l'envoie pas pour lui-même. Pasteur Jean-Pierre, quand Dieu t'envoie sur la terre, il ne t'envoie pas sur la terre pour Jean-Pierre. Il t'envoie sur la terre pour ta génération. De sorte que la portion de terre, la portion de rôle que tu vas jouer, ce n'est pas pour toi. Les bénéfices comme les retombées, les fleurs, les honneurs, c'est rien, ce n'est pas ça l'objectif. Vous avez compris? Merci papa. Tu dois arriver à déplacer ton système de raisonnement de toi-même et le déplacer vers ta génération. Les hommes et les femmes qui sont appelés à la grandeur ne réfléchissent pas pour eux. Ils réfléchissent sur leur génération, sur leur peuple, sur leur nation, sur leur famille, sur leur ville. Ils réfléchissent sur les défis des êtres humains qui les entourent. Ils réfléchissent sur les besoins auxquels il faut répondre. Ils réfléchissent pas tout le temps sur leurs propres besoins auxquels Dieu doit répondre. Il viendra un temps où nous aurons un tournant décisif. Si ce n'est pas celui-ci, où les gens viendront dans le tournant décisif avec de vraies requêtes, c'est-à-dire les requêtes de leur société, de leurs défis, les requêtes des défis de leur appel, les requêtes des défis de leur nom. Et non plus avec les requêtes de défis de leur ventre. Mungu naona Ah, balisha anza kunicheka juu ya seliba. Vraiment seliba hii. Souviens-toi de moi. Nakemea seliba. Je suis en train de réprimander ce célibat. Unapitisha muda wako kitu gani? Et tu passes tout ton temps à cause d'une chose qui n'est pas qui est toute vaine. Ukitoa mseliba inasaidia nani mudunia? Lorsque tu quittes du célibat, ça aide qui dans le monde? Est-ce que vous me comprenez? Yes. Alors il viendra des temps où nous serons assis à genoux comme ça ici pour des vraies requêtes. Il y a kilo. Des requêtes qui valent la peine. Mahitaji ambao ni amana. Tunaweza kuteseka juu ya ile mahitaji tupate tu jibu. Et le jour où Dieu répond à ce genre de requêtes, il y a kilo. Notre monde est bouleversé. Notre monde est touché. Les choses changent dans notre environnement. C'est vrai que les prières qu'on doit faire pour nous devraient être principalement des prières qui nous aident yangepaswa kuwa maombi ambayo yanatusaidia trouver Dieu tumpate Mungu qui nous aide ambayo yanatusaidia à entrer à Dieu tusaidia tuingie ndani ya Mungu. Parce qu'il y a des maris de nuit qui te torturent. Sababu kuna waume wa usiku ambao wanakusumbua. Et ça t'empêche de jouer ton rôle. Na inakuzuiza uweze kutenda kazi yako. Ces genres de requêtes sont valables. Ile mahitaji kabisa inaweza kukubalika. Il y a des choses qui t'empêchent. Kuna vitu vinavyokuzuiza. D'être utile et de jouer ton rôle. Uwe unafaa na utende kazi yako. Ces genres de requêtes sont importantes. Mahitaji kama na haya ni ya maana. Parce que c'est les deux premiers mots de notre texte de base. Sababu ni mambo mawili ya kwanza ya andiko letu la heureux l'homme. C'est-à-dire des requêtes qui aménagent l'homme. Des requêtes qui arrangent l'homme. Des requêtes qui aident l'homme à devenir cette personne dont Dieu a besoin. Des requêtes qui aident l'homme à devenir efficace. Regarde un peu ton bloc-notes. Tu as quel genre de requête dedans? Angalia buku yako na angalia mahitaji ambayo umeweka ndani. Quelqu'un dit pasteur, si c'est comme ça. Mtu anaweza sema. Moi je ne viendrai plus. Mimi sitakuja tena. Parce que quand ni kuombea vitu ya watu wengine mimi mwenyewe. Si c'est intercéder pour les autres, moi quoi ça me sert? Mimi inanifalia nini? Je n'ai pour que les gens là d'ailleurs sont méchants là. Mungu aba pige même là. Vous avez ce genre d'attitude. Notre société là qui est dans les ténèbres. Les sentiments c'est Nikosaya, basi Nikosayangu. Mungu aba pige. Est-ce que c'est mon problème? Que Dieu le touche, qu'il le punisse. Qu'il le tue même. Qu'il le tue. Awaoué. Et Dieu ne marchera pas avec toi dans ces logiques là. Na Mungu atatembea na wewe pamoja na wazo kama na hiyo. Au contraire. Kinyume. Dieu est à la recherche Mungu anatafuta des hommes et des femmes waume na wanawake qui réfléchissent ambao wanafikiri sur le compte de tout le monde. Juu ya watu wote. Pourquoi tu veux être millionnaire? Sababu gani unahitaji uwe milionari? C'est pour toi? Ni kwa ajili yako mwenyewe. Si c'est pour toi, ça ne sert à rien. Kama ni kwa ajili yako mwenyewe haina maana. Parce que si Dieu te donnait des entreprises où tu as $1 million qui entre chaque jour. Sababu Mungu akikupatia kampuni ambayo unakuwa na milioni moja ya dola ambayo inaingia kila siku. C'est possible? Inawezekana? Tu as des entreprises partout. C'est-à-dire ton argent entre sur tous les globes. Ni kusema pesa zako zinaingia kwenye ulimwengu wote. Est-ce que c'est vrai? Je, ni kweli? Oui. Quand nous on dort à Goma, si la Goma, ton argent entre en Amérique la journée. Pesa zako zinaingia Amerika mchana. Et il y a au moins $1 million chaque jour. Na kila siku kuna milioni moja ya dola. Et si c'est pour toi, na kama ni kwa ajili yako, tu fais quoi avec? Unafanya nayo pamo, nini? Tu réfléchis dans le sens. Bon, milioni ya jana mlifanya nini? Bwana Jera huko wapi? Hapa sasa niko Jakarta. Le million de dollars. Ndio tola hii mamilioni zenye ziliingia huku unapeleka. Tu prends les 1 million qui est qui est entré de l'autre côté. Non, non, il y a un autre. Je suis parti prendre les millions qui sont là-bas et je les ai amenés ici. Bon, ce qui est entré en Europe, c'est Europe combien? Il y a 50 millions. Okay. Bon, zile uzitie mon compte fulan. Mets ça dans tel compte. Bon, zile zingine sukumazo huko. Ce qui est entré de l'autre côté, envoie ça ici. Et après, tu fais quoi avec? Na kesa unafanya nini na ile pesa? Si tu veux manger du fufu, kama unapenda kula ugali, ça coûte pas 1 million. Eh, si au dollar million ni moja. Toi, c'est le millionnaire. Si tu veux manger et te rassasier, tu ne vas pas manger 500 dollars. Hautakula dola 500. 20 natosha. Dola makumi mbili natosha. Et si je parle à quelqu'un? Zena mzungumzia mtu. Si tu veux t'habiller, même quand tu prendrais les habits chers en Europe, comme les vestes de 1000 dollars, les souliers de 1500, les cravates de 300, les chaussettes de 200 dollars, les chaussettes de 200 dollars. Et qu'on met sur toi. Parce qu'en fait, tu as besoin de consommer tes millions toi-même. Alors, tu veux consommer dans l'habillement. Tu ne seras pas capable de mettre 50 000 dollars sur ton corps. Tu ne seras pas capable de mettre 50 000 dollars. Je mets 50 000 dollars sur moi. Tu vas acheter une voiture parce que tes millions c'est pour toi. Achète une voiture de 500 000 ou d'un million de dollars. Même si tu achètes 10 voitures chacune 1 million, et tu en as 10, et comme c'est pour toi, tu ne sais pas monter dans 5 en même temps. Tu ne sauras pas. Au moins, quand tu coupes, tu envoies un soulier dans telle voiture. Tu envoies. C'est pas possible, frère, de vivre juste pour toi. Enlever ces folies, c'est de la médiocrité que de vivre pour toi. C'est médiocre. Et le ciel t'attend dans le terrain de l'utilité dans ta génération. Je parle aux jeunes. Mes frères, les jeunes, vous avez la chance de comprendre ces choses ici à temps. Rentabilisez les heures qui vous restent pour vivre. Frère, rentabiliser. Faidia. Tu as encore 60 ans à vivre. Unayo miaka 60. Rachète tes 60 ans. Komboa ile muda wote. Sur des choses importantes. Kwa mambo ambayo ni ya maana. Arrête de fuir de fuir ton nom. Acha kukimbia jina lako. Mais j'ai fui mon nom dans le passé, non? Si nilikimbia jina langu ndani wakati uliopita. Et les sages m'ont dit, oui, mon frère. Na wazee wakaniambia ndio ndugu yangu. Et je suis dedans. Na niko sasa ndani ya jina lao. Je suis dans mon nom. Nimefika ndani ya jina lao. Quelqu'un peut bénir le Seigneur pour ça. Je mtu anaweza kumbariki Mungu juu ya hiyo. Si j'avais continué à fuir mon nom, ningeendelea kukimbia jina langu. Je serais pas avec vous ici. Singekuwa pamoja nanyi hapa. Si je suis pasteur pour moi-même, kama mimi ni mchungaji kwa ajili yangu mimi mwenyewe, comment ça se passe? Inapitikana namna gani? Je prêche moi, najihubiri, j'évangélise moi, najihubiri, je prie pour moi, ninajiombea, je pour moi, mimi. Et puis la trompette sonne, je pars. Na kisa baragumu inapiga na kisa naenda. Vous voyez? Mnona. Tu as besoin de muter. Unahitaji de muter ta manière de voir. Uhamisha namna yako ya kuona. De muter dans ton système de fonctionnement. Uhamisha ndani ya kutembea kwako. Regardez tous ces gens qui servent le diable, sorciers, féticheurs, occultistes et tout ça. Mone wale watu wanaomtumikia shetani, walozi, wachawi, wafumu. Comme le diable n'aime personne. Sababu shetani hampendi mtu. Si vous analysez chacun de ces gens-là, mukichunguza kila moja wa hawa, vous allez constater qu'ils fonctionnent pour eux-mêmes. Utona kwamba wanatumika juu yao wenyewe. Même quand ils posent des actes soi-disant pour la communauté, hata kama wanafanya vitendo juu ya mashirika ama c'est watu, pour avoir l'occasion de posséder ou de distribuer les démons dans ces gens-là. Ni ili wawe na uwezekano wa kugawa mapepo ndani ya wale watu. Mais le Dieu vivant, lakini Mungu mzima, celui qu'on appelle Yahweh, wanayemwita Yahweh, le Dieu de l'Alliance, Mungu wa agano, lui quand il t'envoie sur la terre, anapokutuma ulimwenguni, c'est pour que tu deviennes utile, ni ili uwe na mafaa, pour les autres, kwa ajili ya watu wengine. Tu peux commencer l'exercice ce soir. Unaweza kuanza mazoezi magharibi ya leo. Si tu as autant de vestes, kama una suti nyingi, pour toi-même, kwa ajili ya wewe mwenyewe, tu peux aller dans ta garde-robe. Unaweza enda mahali ambapo unaokia suti zako, naambia Bwana, je pense que il faut que je partage avec quelqu'un. Nafikiri naweza kuchangia na mtu. Tu as autant d'habits, una mavazi nyingi, autant de pagnes, una vikwembe vingi. Je pense que c'est pas tout ça, c'est pas pour moi. Nafikiri hiyo yote sio yangu. La plupart des hommes, wengi wa watu, ont fini par découvrir leur nom wamefikia kugundua jina lao, en faisant bien ce qu'ils faisaient, wakifanya vizuri waliokuwa wakifanya, et ils ont rencontré la voix du Saint-Esprit qui leur dit, na wakakutana na sauti ya Roho Mtakatifu inayowaambia, en effet, kwa kweli, c'est ça, ni hii, c'est pour ça que je t'ai envoyé, nimekutuma kwa ajili ya hii. Et il s'est dit, hey, hey, Seigneur, Bwana, c'est vrai, hein? Ni kweli, c'est pour ça, ni kwa ajili ya hii. Je vais finir. Enfin, on est au premier point. Ah, Mungu Baba. Nous parlions de Saül. Tulikuwa tukizungumzia Saulo. Dans 1 Samuel chapitre 9 et 10. Ndani ya Samueli wa kwanza sura 9 na 10. Les paniers des offrandes vont passer ou sont en train de passer déjà? Vitunga vya sadaka vitaanza kupita. Pour qu'on gagne le temps, les quelques minutes qui restent. Ili tuweze kukomboa muda ndani ya dakika zinazobaki. Alléluia. Amina. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Mtu anaweza kushangilia Bwana. Pourquoi tu l'acclames? Sababu gani unamshangilia? Arrêtez d'acclamer, vous allez acclamer bien après. Mwache kwanza mtamshangilia. Pourquoi tu acclames? Unashangilia sababu gani? Acclame parce que toi aussi tu es connu là-bas, et que donc uko, tu prends conscience que kumbe namie Mungu namie ni kwako namie ni kwa j'ai aussi un appel à la grandeur, donc Dieu tu m'as créé aussi pour je suis donc aussi important dans ta pensée au ciel, Seigneur. Moi aussi acclame bien le Seigneur. Des cris de joie. Je compte devant Dieu. Moi aussi je compte. Lèvons-nous seulement, on va continuer ces choses demain. Lèvons-nous, on va prier pendant ce moment.